بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Dieu, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers dotés de deux, trois ou quatre ailes. Il ajoute ce qu'il veut à la création et il a le pouvoir sur toute chose. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Ce que Dieu accorde en miséricorde aux gens, nul ne peut y faire obstacle. Et ce qu'il retient, personne n'a le pouvoir de l'accorder en dehors de lui. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Ya ayyuhan nas udhkuru ni'matallahi 'alaykum hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas samaa'i wal ard. لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. Ô gens, rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous. Existe-t-il en dehors de Dieu un autre créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? Nul Dieu que lui. Comment pouvez-vous vous détourner? Et s'il te rejette, ô Mohammed, sache que d'autres messagers l'ont été avant toi, et c'est vers Dieu que tout sera ramené. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Ô gens, la promesse de Dieu est véridique. Alors ne vous laissez pas leurrer par la vie d'ici-bas, et ne laissez pas le trompeur déclarer Satan vous tromper au sujet de Dieu. Certes, Satan est un ennemi pour vous, alors considérez-le comme tel. Il ne fait qu'inviter ses partisans à devenir des habitants du feu ardent. الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إن الله عليم بما يصنعون. Ceux qui ne croient pas recevront un terrible châtiment, tandis que ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres recevront un pardon et une énorme récompense. Et quoi? Celui à qui on a embelli ses mauvaises actions au point où il les croit vraiment belles est-il l'égal d'un homme de bien? Dieu égare qui il veut et guide qui il veut. Alors ne laisse donc pas ton âme se répandre en regret pour eux. Certes, Dieu sait parfaitement ce qu'ils font. Wallahu alladhi أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Et c'est Dieu qui envoie les vents, qui soulève les nuages. Nous les poussons ensuite vers une contrée morte et faisons revivre la terre après sa mort. C'est ainsi que se fera la résurrection. Quiconque veut la puissance, qu'il sache que la puissance tout entière appartient à Dieu. C'est vers lui que monte toute bonne parole et c'est lui qui élève les œuvres pieuses. Quant à ceux qui trament des injustices, ils recevront un terrible châtiment, cependant que leur complot sera voué à l'échec. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. Dieu vous a créé de poussière, puis d'une goutte de sperme. Il vous a ensuite réparti en deux sexes. Nulle femelle ne porte ou ne bébat sans qu'il ne le sache, et aucune existence n'est prolongée ou abrégée, sans que cela ne soit déjà consigné dans un livre. Et certes, tout cela est facile pour Dieu. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Les deux étendues d'eau ne sont pas identiques. L'eau de l'une est fraîche, douce et agréable à boire, tandis que l'eau de l'autre est amère et salée. Cependant, de chacune vous mangez une chair fraîche et vous extrayez des parures que vous portez. Et tu vois le vaisseau y fendre bruyamment les flots pour que vous partiez à la recherche de sa grâce et que vous soyez peut-être reconnaissant. النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Il fait pénétrer la nuit dans le jour, comme il fait pénétrer le jour dans la nuit. Et il a soumis le soleil et la lune à votre service, l'un et l'autre poursuivant leur course jusqu'à leur terme fixé. Tel est Dieu, votre Seigneur. À lui appartient le pouvoir suprême, et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne sont même pas maîtres de la pellicule d'un noyau de date. تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Si vous les invoquez, ils ne peuvent entendre votre invocation, et même s'ils l'entendaient, ils ne sauraient y répondre. Et au jour de la résurrection, ils nieront que vous les ayez jamais associés à Dieu. Nul ne peut vous informer comme celui qui sait toutes choses. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. Ô homme, c'est vous qui avez besoin de Dieu, et Dieu est celui qui se suffit à lui-même, le digne de louange. S'il le voulait, il vous ferait tous disparaître et susciterait à votre place une nouvelle création. Cela ne serait point difficile pour Dieu. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. Nulle âme ne portera le fardeau d'une autre en plus du sien. Et si une âme surchargée appelle à l'aide, rien de sa charge ne sera supporté par une autre, même celle d'un proche parent. Tu n'avertis en fait que ceux qui craignent leur Seigneur, en dépit du fait qu'ils ne le voient pas, et qui accomplissent la prière. Quiconque se purifie ne le fait que pour lui-même, et tout doit retourner vers Dieu. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ. L'aveugle et celui qui voit ne sauraient être égaux. Pas plus que les ténèbres et la lumière ne le sont, ni l'ombre rafraîchissante et la chaleur ardente du soleil. De même, les vivants et les morts ne sont pas semblables. Dieu fait entendre qui il veut, alors que toi, Mohammed, tu ne peux pas te faire entendre de ceux qui sont dans les tombeaux. Tu n'as d'autre mission que d'avertir les gens. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. Nous t'avons certes envoyé avec la vérité pour que tu annonces la bonne nouvelle et que tu avertisses les gens. Il n'est point de communauté qui n'ait été avertie par un messager. Et s'ils te traitent de menteur, sache que ceux qui ont vécu avant eux faisaient de même envers leurs messagers. Ces derniers étaient venus vers eux avec des preuves claires, de même qu'avec les psaumes et le livre éclairant. Puis j'ai puni ceux qui ne croyaient pas, et quelle réprobation fut la mienne. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. N'as-tu pas vu que Dieu fait descendre l'eau du ciel, et que par elle, il fait pousser des fruits de couleurs différentes, et les montagnes sont parcourues de sillons blancs et rouges, de nuances différentes, alors que quelques autres sont d'un noir profond. De même, parmi les hommes, les animaux et le bétail, il s'en trouve de couleurs diverses. Parmi les serviteurs de Dieu, seuls ceux qui ont reçu la science le craignent, comme il se doit. Et Dieu est certes puissant et pardonneur. إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ. Ceux qui récitent le livre de Dieu observent assidûment leurs prières et dépensent de ce que nous leur avons attribué, en secret et ouvertement. Ceux-là pratiquent un commerce dont le profit ne tarira jamais. Dieu les récompensera pleinement et par sa grâce leur donnera encore plus. Certes, Dieu est pardonneur et reconnaissant. إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ. ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Ce que nous t'avons révélé du livre est la vérité, confirmant ce qui avait été révélé auparavant. Certes, Dieu observe toujours ses serviteurs et est parfaitement au courant de ce qu'ils font. Nous avons ensuite donné l'écriture en héritage à nos élus parmi nos serviteurs, mais il y en a parmi eux qui se font du tort à eux-mêmes, d'autres qui suivent une voie intermédiaire, et d'autres encore qui, par la permission de Dieu, surpassent tous les autres grâce à leurs bonnes actions. Telle est la grâce infinie. Ils seront admis au jardin d'Éden, ils y porteront des bracelets d'or et de perles, et leurs vêtements seront de soie. إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Ils diront: Louange à Dieu qui a éloigné de nous toute affliction. Notre Seigneur est certes pardonneur et reconnaissant. Par sa grâce, il nous a installés dans la demeure de l'éternité, où ni labeur ni fatigue ne peuvent nous toucher. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Quant à ceux qui ne croient pas, ils seront voués au feu de l'enfer. Il ne les consumera pas entièrement, de sorte qu'ils ne mourront pas. Et leurs tourments ne leur seront point allégés. C'est ainsi que nous rétribuons tout négateur obstiné. Du feu, ils hurlent à l'aide en disant « Seigneur, délivre-nous, nous ferons le bien et non le mal, comme nous avions l'habitude de le faire. Ne vous avons-nous pas accordé une vie assez longue ?» leur sera-t-il répondu, pour que ceux qui avaient à réfléchir le fassent. De plus, un messager est bel et bien venu vous avertir. Alors goûtez maintenant aux conséquences de vos actes, car pour les injustes, il n'y a point de secoureur. إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. Dieu est celui qui connaît les choses cachées des cieux et de la terre, et il connaît le contenu des poitrines. C'est lui qui a fait de vous des héritiers sur terre. Quiconque refuse de croire, son incroyance retombera sur lui. L'incroyance des mécréants ne fait que les rendre encore plus odieux aux yeux de leur Seigneur, et elle ne fait qu'aggraver leur perdition. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. Dis, avez-vous déjà vu ces associés que vous invoquez en dehors de Dieu? Montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Ont-ils été associés à la création des cieux? Ou leur avons-nous donné des écritures contenant des preuves claires sur la base desquelles ils agissent? Non, les injustes ne se font des promesses entre eux que pour mieux se tromper mutuellement. إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَن تَزُولَا وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. C'est Dieu qui retient les cieux et la terre pour les empêcher de disparaître. Et si vraiment ils disparaissaient, qui donc les retiendrait après lui ? Il est magnanime, tout pardon. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. Et ils ont juré par Dieu avec force que si un messager venait les avertir, ils seraient plus dociles que toute autre communauté. Pourtant, quand un messager vint les avertir, cela ne fit qu'éveiller en eux de l'aversion. À cause de leur arrogance sur terre et de leurs manœuvres perfides. Mais les sinistres complots ne retombent que sur leurs auteurs. Après cela, s'attendent-ils à un sort différent de celui que subirent les anciens ? Jamais tu ne trouveras ni substitution, ni modification à la règle de Dieu. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. N'ont-ils pas parcouru la terre ? N'ont-ils pas vu quel fut le sort de ceux qui vécurent avant eux et qui étaient plus puissants qu'eux ? Dieu est tel que rien, ni dans les cieux ni sur la terre, ne saurait lui échapper, et il est le sage. Le Tout-Puissant. Si Dieu reprenait les hommes pour ce qu'ils se sont acquis, il ne laisserait aucun être vivant sur la surface de la terre. Mais ils reportent leur fin à un terme prénommé. Que leur terme arrive, Dieu est clairvoyant sur ses serviteurs.